Je venais d'arriver. Monsieur X, un verre à la main, regardait par la fenêtre. Dehors, c'était Paris, ses lumières. Brusquement, Monsieur X s'est retourné et il m'a dit « Même les meilleurs peuvent faire des erreurs dramatiques, justement parce qu'ils se croient les meilleurs. » Et avant que nous commencions d'enregistrer ce nouvel entretien que je vous propose aujourd'hui, mon interlocuteur m'a rappelé une histoire très récente. Je résume à grands traits. En Jordanie, à la fin du mois de septembre dernier, un dirigeant islamiste, Khaled Meshal, est attaqué par deux hommes. Le mode opératoire, comme disent les criminologues, est étrange et sophistiqué. Les deux agresseurs lui injectent du poison dans l'oreille gauche. Malheureusement pour eux, Meshal en réchappe. Les deux tueurs sont identifiés et arrêtés. Ils sont porteurs de faux passeports canadiens. Et ils avouent bientôt qu'ils sont des agents du Mossad, c'est-à-dire des agents des services secrets israéliens. L'affaire fait immédiatement scandale. Les Jordaniens, mais aussi les Canadiens, sont furieux. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, doit assumer personnellement ce cuisant échec et, suprême humiliation, sous la pression des États-Unis, il doit accepter de faire envoyer en Jordanie un antidote afin d'annuler les effets du poison et de sauver ainsi Khaled Meshal. Simultanément, et sans doute pour apaiser la colère des Jordaniens, il fait libérer le chef emblématique du Hamas, le vieux cheikh Yassine. Mais il y a encore plus grave. De l'avis de tous les spécialistes du renseignement, Khaled Meshal n'était en aucune manière une cible importante et ne méritait la mise en œuvre d'une opération aussi risquée. Bref, le pataquès est total. D'autant qu'il y a de fortes probabilités que la décision de supprimer le dirigeant islamiste ait été prise directement par Netanyahou contre l'avis du chef du Mossad, Dany Yatom. Après la dernière vague d'attentats qu'avait connue Israël, il s'agissait, semble-t-il, pour le Premier ministre, d'offrir à ses concitoyens la tête d'un dirigeant islamiste à l'occasion du Nouvel An juif. Une telle maladresse, à la fois dans le choix de la cible et l'exécution, étonne. Vous le savez aussi bien que moi, le Mossad est souvent cité pour son efficacité comme un modèle de service secret. Et on ne compte plus les opérations spectaculaires et audacieuses qu'il a réussies. Oui, mais... Car voilà où voulait en venir Monsieur X. Ce récent échec du Mossad n'était pas le premier. Et celui qu'il m'a conté est encore plus impressionnant que le ratage de l'assassinat de Khaled Meshal. Mais avant d'en venir à ce récit, quelques rappels historiques. En septembre 70, des Palestiniens détournent trois avions de ligne vers la Jordanie. Le roi Hussein, qui veut depuis longtemps mettre au pas les Palestiniens exilés dans son pays, prend prétexte de ce triple détournement et lance ses troupes à l'assaut des camps de réfugiés. C'est un massacre. Des milliers de Palestiniens, hommes, femmes, enfants, sont tués. Ajoutons, mais cela n'a jamais été formellement établi, que le souverain hachémite a sans doute été fortement encouragé par les Israéliens. En tout cas, pour les Palestiniens, ce massacre restera dans leur mémoire comme celui de Septembre Noir. Septembre Noir, c'est aussi le nom que va symboliquement adopter un réseau terroriste palestinien qui va frapper indifféremment les Jordaniens et les Israéliens. L'action la plus spectaculaire de Septembre Noir, la plus sanglante aussi, a eu lieu lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972, où 10 athlètes israéliens ont trouvé la mort. C'est après cet attentat que les autorités d'Israël ont décidé de pourchasser et éliminer tous les membres de Septembre Noir. Bien sûr, c'est le Mossad qui a alors été chargé de mener à bien cette chasse à l'homme. Une chasse à l'homme particulièrement efficace. Les uns après les autres, les terroristes de Septembre Noir ont été abattus, dont plusieurs à Paris. Évidemment, la responsabilité du Mossad ne pouvait faire aucun doute. Mais à chaque fois, les tueurs israéliens avaient été suffisamment habiles pour ne pas se faire repérer et quitter le pays à temps. Toutefois, un homme continuait à échapper au Mossad. Un chef, Ali Hassan Salamé, le véritable dirigeant de Septembre Noir depuis l'assassinat d'Abou Youssef. Et sa longue traque devait conduire le service secret israélien à subir un des échecs les plus retentissants de son histoire. Dans un instant, le récit de Monsieur X. « très loin d'ici, il existe une zone où on garde en secret l'après-midi des faunes, là où les souvenirs à jamais emmurés ont des histoires d'amour toujours inachevées et jamais abouties comme sont les conquêtes, les chevaux ruisselants juste avant la défaite, quand le seigneur de guerre reconnaissant les siens sous les masques de fer se penche et ne dit rien. Et chaque nuit, les villes brûlent. Les villes brûlent. Ma compagne de feu, as-tu connu ces hommes? Ces hommes du refus au loin des compromis, que l'argent corrompu n'a jamais assagi, ceux qui tiennent leur clan en dehors de la norme. Chien de guerre qui fermait les portes des cellules, il reste pour les loups ce battement de cœur, ce tempo de survie venu des profondeurs, cette rage de vivre rivée sous la férule. Et chaque nuit, les aigles pour de blancs albatros, au cas où le destin confierait au hasard la fin du millénaire et des ordres bâtards. Chien de garde en passant, surveillez bien votre os. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Un mot d'abord, qui était ce Salamé? On l'a appelé assez abusivement le Prince Rouge. Le Prince Rouge. Oui, parce qu'il était le fils d'un cheikh, un héros de la guerre de 48 entre les Arabes et les Juifs, assassiné par la Haganah, l'armée secrète juive. Et puis sans doute aussi parce qu'il était marié à la fille d'une des familles les plus prestigieuses du monde arabe, une Husseini. Husseini, c'est la famille du grand mufti de Jérusalem. Exactement. C'est ça. Alors, ce type avait forcément les meilleures raisons du monde de haïr les Israéliens. Oui, d'autant que tous les siens vivaient en exil au Liban après avoir été chassés de chez eux. Mais attention, Ali Hassan Salamé n'était pas un terroriste né. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Bien, le jeune homme, après d'excellentes études à l'université américaine de Beyrouth, a d'abord mené une joyeuse vie de playboy. Il faut dire que Salamé avait beaucoup de charme. On dirait que vous l'avez connu. Oui, à l'occasion d'un voyage à Beyrouth. Un voyage, comment dire, professionnel. On peut dire cela, oui. Mm-hmm. Et alors qu'il était déjà recherché par les Israéliens ? Bah, si j'en juge par les gardes du corps qui l'entouraient, oui, incontestablement. Et vous étiez chargé d'une mission auprès de lui ? Bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais disons que le souci des autorités françaises était d'éviter que Palestiniens et Israéliens viennent régler leur compte chez nous. Vous ne voulez pas en dire un tout petit peu plus ? Je ne le peux pas, non. Je peux simplement ajouter que Salamé était francophone, comme beaucoup de Libanais, et parlait parfaitement notre langue. Oui, d'accord. Alors, revenons quand même à son histoire. Hein. Comment ce playboy, comme vous dites, est devenu un chef terroriste ? C'est la guerre des six jours qui a été le déclic. Salamé, comme beaucoup d'autres Palestiniens, n'a pas supporté l'humiliation infligée par Israël aux armées arabes. Et il s'est engagé dans les rangs de l'OLP de Yasser Arafat. La suite est plus mystérieuse. Comment est-il parvenu à devenir un des chefs de Septembre Noir ? Ça, je ne sais pas. Et au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. Oui, je veux bien l'admettre, mais est-ce que Salamé, ce playboy, là, était un homme d'action ? Enfin, je veux dire, s'impliquait-il physiquement ? Non, c'était plutôt un organisateur et un recruteur. Il est certain qu'il a été un des cerveaux de la prise d'otage de Munich. Allez, les Jeux Olympiques. Oui, je vous rappelle que 10 athlètes israéliens y ont trouvé la mort. Puis des preneurs d'otages palestiniens, quand même. Aussi. Oui, 5, je crois. À partir de ce moment, Salamé est devenu une des cibles privilégiées du Mossad. Lui, mais aussi 12 autres des membres les plus importants de Septembre Noir. Et les Israéliens ont mis le paquet. Racontez. Eh bien, dans les quelques mois qui ont suivi le massacre de Munich, 11 de ces hommes ont été abattus. 11, mais pas Salamé. Non, Salamé semblait insaisissable. Et pourtant, le Mossad avait bien failli le tuer. Et comment ? Une nuit, des paras israéliens ont débarqué clandestinement à Beyrouth. Ils savaient exactement où ils devaient aller, dans deux immeubles. L'un était le quartier général du Front Populaire Démocratique. L'autre était un bâtiment occupé par Septembre Noir et le Mossad pensait bien y trouver Salamé. Et le résultat ? Une semi-réussite. C'est-à-dire une semi-échec aussi. Oui, effectivement. Les paras ont éliminé 3 des cibles qui avaient été définies par le Mossad, mais Salamé, lui, a échappé à la mort. Et donc ça veut dire qu'il ne se trouvait pas dans l'immeuble de Septembre Noir ? Non, il dormait paisiblement dans un bâtiment voisin, protégé par une bonne dizaine d'hommes armés. On appelle ça la baraka. La baraka, oui, ou la prudence, appelez ça comme vous voudrez. En tout cas, après cette affaire qui a fait beaucoup de bruit... Beaucoup de bruit diplomatique. Bien évidemment, les Libanais ont vigoureusement protesté et en ont appelé à l'ONU, ce qui n'a guère impressionné Israël, mais passons. En tout cas, vous disais-je, après cette affaire, Salamé est devenu plus que jamais l'homme à abattre et le Mossad va redoubler d'efforts pour le localiser. Et il va faire comment ? Les Israéliens savaient que Salamé voyageait beaucoup. D'autre part, le fait que de nombreux chefs de Septembre Noir avaient été éliminés l'obligeait à payer de sa personne. Et comme ce n'était pas un homme à renoncer à la lutte terroriste, les gens du Mossad étaient persuadés qu'ils arriveraient un jour ou l'autre à le surprendre. Donc, ils ont mis au point une surveillance serrée de tous les points stratégiques. Les points stratégiques, ça peut être quoi ? C'est les ambassades Bien sûr, certains pays arabes aussi donnaient asile aux terroristes de Septembre Noir. Et leurs ambassades permettaient d'acheminer devises, faux papiers, explosifs, etc. Mais le Mossad a aussi fait surveiller les aéroports internationaux. Bon, j'ajoute que certains services de renseignement occidentaux ont donné un coup de main aux Israéliens, vous devinez lesquels. Oui, ça c'est pas très compliqué à deviner, mais cette chasse à l'homme a donné quelque chose ? Oui, fin juin 1973. Le Mossad recueille d'abord un tuyau. Salamé préparerait un coup en Scandinavie, un gros coup. Un peu vague, comme tuyau. Très juste, ouais, mais ça rend le Mossad très fébrile. Et aussitôt, le service israélien décide de mobiliser un commando de spécialistes et d'envoyer ses agents en Suède. Quand vous dites un commando, ça représente combien d'hommes, ça ? Une quinzaine, tous munis de fausses identités. Ouais. Et dans le même temps, la surveillance redouble un peu partout dans le monde. C'est alors qu'une information capitale parvient à Tel Aviv, au siège du Mossad. Un homme que les Israéliens ont depuis longtemps à l'œil parce qu'ils pensent qu'il est lié à Septembre Noir, compte un billet d'avion pour Copenhague. Coïncidence intéressante. Et cet homme, qui est-ce ? Un Algérien, du nom de Ben Aman. Un type qui vit en Suisse, où il est marié avec une femme assez fortunée. Il est très introduit dans les milieux diplomatiques, et il voyage beaucoup, en Europe de l'Est, mais aussi au Proche-Orient. Ça, c'est exactement le profil d'un agent ou d'un terroriste. Exactement. Donc, quand le Mossad apprend que Ben Aman part pour le Danemark, il le fait prendre en filature. L'aventure peut alors commencer, mais à la fin, je vous assure que la surprise sera de taille. veilleuse laissait tout voir. La nuit, le petit dormeur s'en allait tout seul dans le noir. Avoir peur, il aimait pas les gugus qui faisaient rire les imbéciles, vomissait dans l'autobus. De la bile, il attendait dans les églises quelque chose de doux, des baisers, des choses exquises. Sur sa joue, sur un piano électrique, si tu l'oses, on peut faire de la musique. De ces choses, allez, chante fort, ton chagrin s'en va, jusqu'à ce que ton cœur devienne un bloc d'or. Allez, chante fort, mais dedans, dehors, chante encore jusqu'à ce que t'es mort. Il a volé autour du monde sur des ailes, racontant, comptant ses contes. Populaire, une image il est devenu. Messieurs, dames, mais les images c'est connu. Non pas d'âme, allez, chante fort, ton chagrin sonore, jusqu'à ce que ton cœur devienne un bloc d'or. Allez, chante. Dans un instant, donc la suite de cet entretien consacré à Ali Hassan Salamé, qu'on appelait aussi le Prince Rouge, et qui était, je vous le rappelle, l'un des chefs de l'organisation terroriste Septembre Noir. Je vous propose, en attendant de reprendre la diffusion de cet enregistrement, une liste des cibles retenues par le Mossad, cibles éliminées dans les mois qui ont suivi le massacre des Jeux Olympiques de Munich. Liste qui montre la terrible efficacité des tueurs israéliens. Octobre 72, Rome. Wadal Abdel Zwalter est abattu de 12 balles de 22 longs rifles. Décembre 72, Paris. Le docteur Mahmoud Hamchari est assassiné à l'aide d'un téléphone piégé. Janvier 73, Chypre. Abdal Al-Shir est victime d'une bombe télécommandée. Avril 73, c'est au tour de son successeur, Zayad Mouchassi, de tomber. Avril encore, Paris. Le professeur Basil Al-Koubaizi est abattu de plusieurs balles de 22 longs rifles. Avril toujours, Beyrouth, Abu Youssef, Kemal Adouane, Kemal Nasser sont assassinés au cours de l'opération Commando dont m'a parlé précédemment M. X. Mai 73, Rome, Abdelhamid Chibi et Abdel Haki Naka sont exécutés. Juin 73, Paris, Mohamed Boudia est tué par l'explosion de sa voiture piégée. 11 morts, 11 hommes que le Mossad soupçonnait d'être des responsables éminents de Septembre Noir. Le numéro 12, ce devait être Ali Hassan Salamé. Mais, nous a dit M. X, une surprise de taille allait survenir. Encore un détail. Cette succession d'assassinats avait été exécutée avec le plein accord du premier ministre israélien de l'époque, Golda Meir. Voilà cette surprise. Attendez, soyez pas trop pressés. Ah ouais, reprenez quand même. Hein, les agents du Mossad sont donc sur la trace de cet Algérien, ce Benhamane, c'est oui. ça hein? Oui, parce qu'ils estiment qu'en Scandinavie, il a vraisemblablement rejoint son chef, Salamé. Ouais. C'est assez logique. Mais ce Benhamane ne se méfie pas? Apparemment pas. Il se conduit d'abord comme un homme qui a la conscience tranquille, en tout cas, un homme qui ne se sait pas surveiller. Donc il débarque à Copenhague, mais là, surprise, Benhamane ne quitte pas la zone de transit de l'aéroport et il prend un autre avion pour Oslo. Mais bizarre, il aurait quand même été plus simple de prendre directement à Genève un avion pour Oslo. Vous avez raison, mais ces soudains changements de direction sont bien dans la manière d'un clandestin, vous comprenez? Non, pas trop, puisque vous avez dit que Benhamane voyageait tranquillement. Ce n'est pas contradictoire, écoutez bien. Benhamane doit donner l'impression qu'il ne soupçonne pas qu'il est filé, mais en même temps, il doit se comporter comme un agent, c'est clair. Un peu plus. En tout cas, ça veut dire, selon vous, que ce Benhamane, là, est en train de piéger ceux qu'il surveille, c'est-à-dire les Israéliens. Tout à fait. Benhamane veut conduire les types du Mossad là où il a l'intention de les emmener. Je veux bien, mais en principe, les agents du Mossad ne sont quand même pas tout à fait des enfants de cœur. Et c'est pourquoi Benhamane va en rajouter un peu. Expliquez. Eh bien, dès son arrivée à Oslo, Benhamane saute dans un taxi et il disparaît au nez et à la barbe des gars du Mossad qui étaient chargés de le suivre. Cette fois, il n'y a plus de doute. Benhamane prépare quelque chose. J'avoue qu'une nouvelle fois, j'ai du mal à vous comprendre. Un instant plus tôt, vous m'avez dit que Benhamane devait au contraire se laisser filer. Oui, mais ce n'est quand même pas le petit pousset. Pour être crédible, il doit donner du fil à retordre à ses poursuivants. Et il sait très bien que les Israéliens finiront par le retrouver. À Oslo, qui n'est pas une ville énorme, type basané, ça ne passe pas très longtemps inaperçu. Bon, je veux bien, hein, mais alors comment... Comment les agents du Mossad l'ont-ils retrouvé? En faisant systématiquement le tour de tous les hôtels. Ça me... pas très compliqué, ça. Donc à partir de ce moment-là, ils ont retrouvé Benhamane et la surveillance reprend. Oui, et une nouvelle fois, Benhamane va jouer la file de l'air. Un matin de très bonne heure, il se débrouille pour quitter son hôtel à l'insu des Israéliens qui l'ont à l'œil. Où est-il passé? Un type du Mossad interroge le concierge de l'hôtel et il apprend que Benhamane a demandé les horaires des trains. Ouais. Et l'Israélien se précipite à la gare. Bien sûr. Et là, il découvre sans trop de mal que Benhamane a pris un train pour une petite station touristique du centre de la Norvège, Lillehammer. Ah oui, là où ont eu lieu des Jeux olympiques d'hiver. Hein. C'est juste. Lillehammer, c'est une petite ville de 20 000 habitants située au bord d'un magnifique lac. Un endroit particulièrement paisible. D'ailleurs, la fierté de la police locale, c'est de souligner qu'il n'y a pas eu de crime à Lillehammer depuis un demi-siècle. Formidable. Mais ça va quand même être difficile de se dissimuler dans une aussi petite ville. Oui, vous avez parfaitement raison et cela va jouer un rôle dans la suite de notre histoire. N'allons pas trop vite. Donc, comme vous l'imaginez, les agents du Mossad prennent la direction de Lillehammer. Tous? Oui, tous. La quinzaine d'hommes et femmes du commando chargé d'éliminer Salamé. Et attendez, le patron du Mossad en personne, le général Zamir, se déplace. Le patron du Mossad, il se déplace à Lillehammer? Non. Il s'installe à une soixantaine de kilomètres. Et de ce QG, il est en relation permanente avec ses agents. Et bon, étant donné la taille de Lillehammer, ses agents repèrent sans mal Benhamane, hein, c'est ça? Oui, Benhamane est descendu dans un hôtel du centre où il s'est inscrit sous un faux nom. Confirmation qu'il est bien un clandestin. Exactement. Et le Mossad a l'impression de brûler. Désormais, Benhamane ne peut plus faire un mouvement sans être épié. Et pour mieux l'avoir à l'œil, deux membres du commando, un homme et une femme, louent une chambre dans son hôtel. Un couple, ça attire moins l'attention. Mais à quoi s'attendent les agents israéliens? Ils pensent, non sans raison, que Salamé en personne va prendre contact avec Benhamane. Et c'est ce qui va se passer? Oui et non. Ah, attendez, oui ou non? Vous voulez toujours aller trop vite, laissez-moi vous expliquer. L'équipe du Mossad est donc aux aguets. Les heures, les jours passent et la pression monte. On commence à drôlement s'impatienter. Mmh. Et soudain, enfin, il se passe quelque chose. Un après-midi, Benhamane sort de son hôtel. On le suit à distance. De temps en temps, l'Algérien se retourne discrètement. Pour vérifier qu'il n'est pas suivi. Oui. Mais les types du Mossad sont des professionnels. Ils utilisent des relais et sont sûrs de ne pas avoir été repérés. Brusquement, Benhamane entre dans un bistrot. Et vieux truc de professionnel, il ressort par une autre porte. Classique, ouais. Ouais. Mais les agents israéliens ont prévu le coup et la filature se poursuit. Une seconde, attends. Attendez, d'après vous, Benhamane, là, il joue un rôle? Naturellement. Et admettez qu'il le joue particulièrement bien. Bon, continuons. Benhamane fait halte dans un second café. Quand il ressort, il a changé de vêtements. Cette fois, c'est sûr. Benhamane va à un rendez-vous de la plus haute importance. Dans un livre de Dominique Vénère, paru chez Plon, livre intitulé « 13 meurtres exemplaires », j'ai trouvé quelques détails intéressants sur la composition de ce commando israélien chargé de suivre Ben Ammann et d'éliminer éventuellement Salamé. Le chef, qui se faisait appeler Mike, en réalité il se nommait George Manner, était assisté d'un certain Abraham Gamer, un as du Mossad. Les tueurs proprement dit étaient deux, une très jolie femme, Tamar, qui n'en était pas à son premier meurtre, et un homme du nom de Jonathan Ingleby, lui aussi très expérimenté. Mais il y avait aussi une équipe chargée de la protection des exécuteurs, un groupe chargé de l'hébergement et des véhicules, un autre spécialisé dans les filatures et une dernière équipe chargée des communications. Au total, 15 agents et 6 véhicules. Vénère note, non sans raison, que la présence de ces 15 étrangers, s'exprimant dans une langue inconnue, ne pouvait guère passer inaperçue. Mais M. X a déjà souligné ce point. M. X, que nous retrouvons tout de suite. La filature de Ben Ammann continue donc plus que jamais. Et brusquement, troisième arrêt dans un café, Ben Ammann s'installe à la terrasse, à demi dissimulé par un parasol. De l'autre côté de la rue, les guetteurs surveillent discrètement ses moindres faits et gestes. Ben Ammann commande à boire, il attend. Il attend quelqu'un. Les types du Mossad en sont maintenant certains. Et ils ont raison. Car soudain, deux hommes se présentent, deux hommes au type arabe. L'un d'eux a une moustache. C'est Salamé, à coup sûr. Mais comment les Israéliens ont-ils pu identifier aussi rapidement Salamé? Ils étaient munis d'une petite photo du Palestinien. Aucun doute alors? Non, pour eux, l'homme à la moustache était incontestablement Salamé, le chef de Septembre Noir. Alors ils le descendent? Non, pas tout de suite. Ah. Ils ne peuvent pas opérer comme ça dans un lieu aussi fréquenté. Donc ils vont changer de cible. Ils abandonnent la piste de Ben Ammann et c'est maintenant Salamé qu'ils vont suivre. Très vite, ils localisent l'appartement où ils se cachent. Appartement qu'il partage avec une jolie Norvégienne. C'est vrai que c'était un playboy. Oui. Il découvre aussi qu'il parle parfaitement le français. Autant de détails qui collent parfaitement avec le portrait du francophone Salamé, qui était resté un coureur de jupons impénitent. Donc, ils vont quand même se décider à passer à l'action. Oui, oui. Le feu vert est donné par le général Zamir en personne. Le lendemain du jour où Salamé a été découvert en compagnie de Ben Ammann, le chef de Septembre Noir se rend au cinéma avec sa Norvégienne. Quand ils sortent du cinéma, il fait nuit. Il rentre à pied chez eux, la rue est déserte. Une voiture approche, elle freine alors à hauteur du couple. Un homme et une femme, pistolet au poing, en jaillissent. 14 coups de feu. Salamé est mort, c'est fini. C'est en tout cas ce que les deux assassins croient. Car en fait, tout ne fait que commencer. Qu'est-ce que vous voulez dire, hein? Eh bien, comme vous l'avez sans doute déjà deviné, l'homme qui est tombé sous les balles des agents du Mossad n'est pas Salamé. Mais un homme qui avait le malheur de lui ressembler beaucoup trop. Un modeste serveur marocain du nom de Bouchiki. Les Israéliens sont tombés dans un piège. Vous voulez dire que, depuis le début, ils ont été manipulés par ce Ben Ammann? Oui, par Ben Ammann et par son patron, Ali Hassan Salamé. Il fallait que le Mossad tue un innocent et que, par là même, il se ridiculise aux yeux du monde entier. Car vous allez le voir, le piège a continué de fonctionner après la mort de ce malheureux Bouchiki. Je vous écoute. Eh bien, l'exploit des agents israéliens n'est pas passé inaperçu. Très vite, la police norvégienne a réagi. Et quelques-uns des membres du commando vont être arrêtés avant même qu'ils ne quittent le territoire norvégien. À votre avis, la police norvégienne a agi seule ou on lui a livré quelques tuyaux? C'est naturellement la deuxième hypothèse qui est ma préférence. Car les policiers norvégiens ont été d'une efficacité très suspecte. Vous insinuez que ce n'est pas leur habitude? Non, pas du tout. Mais il y a de très bons flics aussi chez les Norvégiens, mais quand même. Imaginez que selon la version officielle, les agents du Mossad auraient été repérés parce qu'un jeune policier aurait un peu par hasard relevé le numéro minéralogique d'une des voitures du commando. C'est assez peu crédible. Oui, ça me paraît en effet peu crédible. Mais vous avez quand même dit que l'arrivée de ces 15 agents israéliens à Lillehammer ne pouvait pas ne pas attirer l'attention. C'est juste, ces types avaient dû intriguer. Mais de là à imaginer que c'était des agents du Mossad prêts à perpétrer un assassinat, il y avait quand même une marge. Donc après, donc ils sont repérés et ils sont arrêtés, une partie en tout cas. Oui, les deux tueurs, eux, ont réussi à passer à travers les mailles du filet. Mais 6 agents, c'est énorme, sont tombés. Oui. Et ils ont tout de suite été identifiés comme étant des agents du Mossad. Très vite, oui. Mais pardonnez-moi d'insister, les policiers norvégiens n'ont guère une mérite, puisqu'on avait pris soin de les informer à l'avance. Non, c'est ça, absolument. Mais ce qui me semble plus étrange, c'est que ces hommes et ces femmes arrêtés se sont mis à table assez rapidement. Et pourquoi ça vous paraît étrange, ça? Bah, écoutez, ces gens-là étaient quand même des professionnels. D'accord, mais enfin, même étant des agents du Mossad, si on les a mis devant le fait accompli, c'était difficile de nier, non? Peut-être. En tout cas, comme vous pouvez le penser, l'affaire a fait grand bruit, comme l'espérait Salamé, parce que c'était le véritable but qu'il poursuivait. Alors justement, quelles ont été les conséquences de cette dramatique méprise? Elles ont été multiples. Le gouvernement israélien a d'abord essayé de nier toute participation dans cet assassinat, mais après les aveux de ses agences, ce n'était plus une situation tenable. Donc il a bien fallu faire amende honorable. Plus grave, on a commencé à réexaminer de par le monde toute une série de dossiers non élucidés. En France, est-ce que... Parce que nombreux Palestiniens ont été tués à Paris. Absolument, et en France aussi. Donc grâce aux papiers retrouvés sur les agents israéliens arrêtés à Oslo, la DST, pas mécontente du tout, a pu localiser, donc démanteler une partie de l'infrastructure du Mossad dans notre pays. C'est-à-dire que Salamé avait gagné sur toute la ligne. Non seulement il avait mis en déroute le Mossad, mais lui-même avait gagné quelques années de tranquillité. Car les services secrets israéliens y regarderaient peut-être deux fois avant de s'attaquer à nouveau à lui. Il avait gagné, d'accord, mais enfin... Au prix du sacrifice d'un innocent, non? Oui. Bouchiki, là. Oui, Bouchiki. Oui, mais enfin, pour le responsable d'un mouvement terroriste comme Septembre Noir, est-ce que la vie humaine a vraiment beaucoup de sens? Oui, enfin... Mais que sont devenus les agents israéliens arrêtés? Ils ont été jugés. Heureusement pour eux, entre leur arrestation et leur procès, il y a eu la guerre du Kippour, et la colère norvégienne est un peu retombée, mais ils ont donc été condamnés à des peines relativement légères. Des peines d'ailleurs théoriques, puisqu'ils ont eu la possibilité d'être prisonniers sur parole. C'est-à-dire qu'ils ont recouvré très vite la liberté? Oui. Et l'Algérien Ben Ammann, au fait, lui qu'est-il devenu? Lui, il s'est éclipsé le plus tôt possible. Et quand exactement? Tout de suite après le rendez-vous avec le pauvre Bouchiki, c'est-à-dire le faux Salamé. Il a pris la route d'Oslo et là, il a sauté dans un avion pour Genève. Cette disparition soudaine aurait peut-être dû quand même alerter les Israéliens, non? Vous avez raison. C'est peut-être la seule vraie faute dans le piège tendu par Salamé. Mais comme je vous l'ai dit, à partir du moment où les agents du Mossad avaient cru identifier Salamé, plus rien d'autre ne comptait pour eux, tant ils étaient pressés d'en finir avec le chef de Septembre Noir. Pour être tout à fait honnête, il me faut ajouter que l'on se pose encore beaucoup de questions sur le rôle exact de Ben Ammann. Selon deux journalistes qui ont mené une enquête sur cette affaire, David Tinin et Dag Christensen, Ben Ammann aurait été un agent double. Le Mossad l'aurait obligé à coopérer. Trouve-nous Salamé, sinon c'est une balle dans la peau. L'Algérien aurait alors rendu compte à son chef, Salamé. Et celui-ci aurait ensuite imaginé le piège dans lequel le Mossad est tombé. Cette thèse, qui n'est nullement contradictoire avec celle de M. X, permet en tout cas d'expliquer pourquoi les tueurs israéliens n'ont hésité à aucun moment. Ben Ammann ayant identifié Bouchiki comme étant Salamé, pour eux, il ne pouvait y avoir d'erreur. Et Salamé, le vrai Salamé, qu'est-il devenu? Les Israéliens avaient subi une cruelle défaite. Mais ils n'en avaient pas pour autant fini avec le chef terroriste. S'il est vrai, comme l'a dit M. X, que Salamé a gagné quelques années de tranquillité, les tueurs du Mossad ont fini par le rattraper. Cela s'est passé le 21 janvier 1979, soit presque 6 ans après la tragique bévue de Lillehammer. Ce jour-là, la Chevrolet de Salamé tourne dans la rue Madame Curie à Beyrouth. Salamé est assis à l'arrière, entre deux gardes du corps armés jusqu'aux dents. Derrière, une Land Rover suit avec d'autres gardes du corps. Le chef de Septembre Noir se rend chez sa mère. Ensuite, il prendra la route de Damas où doit se tenir une conférence de l'Assemblée nationale palestinienne. La Chevrolet passe devant une Golf stationnée au bord du trottoir. Et c'est l'explosion. Terrible. La Chevrolet est soulevée, démantelée. Derrière, la Land Rover s'est embrasée. Des piétons blessés hurlent. Au total, on relèvera 8 morts, dont Salamé, et 16 blessés. Selon les spécialistes, la Golf contenait 100 livres de plastique. Le Mossad avait enfin pris sa revanche, une revanche particulièrement sanglante, comme l'avait été la vie de Salamé. À samedi prochain.